Presque à tâtons, tant la nuit était sombre, il remonta le chemin abrupt et tortueux qui conduisait à la villa des azalées. À 50 pas environ de l'entrée du jardin se dressait un boqueteau composé d'arbrisseaux et de buissons. Lorsqu'il l'eut atteint, Abbé s'y arrêta un instant pour se recueillir. Minuit n'était pas encore sonné, et il avait encore quelques minutes à lui. À l'abri, dans l'ombre des petits arbres, il se prit à considérer la maison blanche dont les contours se dessinaient confusément devant lui. Au bout de quelques instants, le mineur se remit à avancer sous les arbres et s'approcha de la barrière du jardin. Personne ne s'y trouvait. Il était évidemment en avance. La lune, à présent, était ressortie de derrière son rideau de nuages et toute la campagne se trouvait éclairée comme en plein jour. Abbé regarda au-delà de la villa la route qui s'étendait comme un blanc ruban étalé sur la crête de la colline. Tout à coup, il sursauta comme s'il venait de recevoir un choc imprévu. Ce qu'il venait de voir avait répandu sur sa figure une soudaine pâleur, car tout de suite ce fut sur la jeune fille que se reporta sa pensée. Juste au tournant de la route, à 200 mètres de lui tout au plus, il voyait une masse sombre et mouvante qui s'avançait, un peu masquée par l'ombre que projetait la colline. Cela ne dura qu'un instant, mais dans ce bref instant, il embrassa toute la situation. Cette masse sombre, c'était une bande de cavaliers se dirigeant vers la villa. Et quel cavalier pouvait ainsi chevaucher sur la route à pareille heure de nuit, sinon les fameux bushrangers, tant redoutés? Il est vrai que dans les circonstances ordinaires de la vie, Hab se montrait aussi indolent d'esprit que lourd d'allure. Mais, devant un péril imminent, il n'en allait plus de même. Il devenait au contraire remarquable pour son sang-froid et pour esprit de décision. En s'avançant dans le jardin, il se mit à évaluer rapidement les chances qu'il avait contre lui. Il devait y avoir là au bas mot une demi-douzaine d'adversaires, tous intrépides et résolus. La question était de savoir s'il pouvait les tenir en respect pendant quelques instants et les empêcher de s'introduire dans la maison. Nous avons déjà signalé que l'on avait posté des sentinelles dans la principale rue de la bourgade. Hab estimait donc qu'il pourrait compter sur du renfort 10 minutes après le premier coup de revolver tiré. S'il s'était trouvé à l'intérieur de la maison, il se serait certainement chargé de résister bien plus longtemps que cela. Mais il n'y fallait pas songer. D'ici qu'il eût trouvé le temps de réveiller les dormeurs et de faire savoir qui il était, les bushrangers seraient arrivés. Il ne lui restait donc qu'un seul parti possible à prendre, tenter l'impossible pour leur barrer le passage jusqu'à ce que ses camarades fussent arrivés. Au pis-aller, il montrerait toujours à Carrie que s'il ne savait pas lui faire de beaux discours, il savait du moins mourir pour elle. Cette pensée, qui lui vint pendant qu'il se glissait dans l'ombre de la maison, fut pour lui une source de plaisir. Alors, il arma son revolver. La route que suivaient les bushrangers se terminait à une barrière en bois donnant sur la partie supérieure du jardin de l'expert. Cette barrière était bordée de chaque côté par une haie d'acacia fort haute et s'ouvrait sur une courte allée bordée elle aussi par deux murailles épineuses et infranchissables. Abbé connaissait à fond la disposition des lieux. Un homme courageux et décidé pourrait, pensait-il, défendre ce chemin pendant quelques minutes, jusqu'à ce que les assaillants eussent réussi à se frayer un passage ailleurs et à le prendre par derrière. Dans tous les cas, c'était certes la meilleure tentative qu'il pouvait faire pour réussir. Il passa devant la porte d'entrée, mais s'abstint de rien faire pour donner l'alarme. Sinclair était un homme âgé et ne pourrait lui être que d'un bien faible secours dans un combat aussi désespéré que celui qu'il allait avoir à livrer. D'autre part, l'apparition de lumière dans la maison mettait en garde les bandits contre la résistance qui les attendait. Il s'engagea dans l'étroite allée, la barrière qu'il se rappelait si bien et qu'il s'attendait à voir se dressa effectivement devant lui. Mais au stupeur, voici que, perché sur cette barrière et balançant ses jambes avec indolence en avant et en arrière dans le vide et scrutant avec attention la route qui se déroulait devant lui, il aperçut, devinez qui, M. John Morgan, celui-là même qu'il souhaitait avec tant d'ardeur voir à ses côtés. Il n'avait pas le temps de s'étendre en de longues explications. À la hâte, en quelques mots, le patron raconta que, revenant de son petit voyage, il avait rencontré les bushrangers en route pour leur ténébreuse expédition, et que le hasard lui avait fait entendre de quel côté il se dirigeait. Il avait réussi, grâce à ses bonnes jambes et à sa connaissance approfondie du terrain, à atteindre la villa avant eux. « Pas le temps de prévenir personne, » conclut-il encore tout essoufflé par la course qu'il venait de faire. Il faut que nous les arrêtions nous-mêmes. Ils ne viennent pas pour de l'argent. Ils viennent pour enlever celle à qui tu fais la cour. Seulement, avant de la voir, mon vieux Osaï, il faudra qu'il nous passe sur le corps. Vois-tu ? Alors, sur ces mots, prononcés d'une voix haletante, les deux amis échangèrent une vigoureuse poignée de main et un long regard sincère. Il y avait 6 bandits en tout. L'un d'eux, qui paraissait en être le chef, marchait seul en tête, tandis que les autres suivaient en un seul groupe. Lorsqu'ils furent parvenus en face de la maison, ils sautèrent à bas de leur monture, puis, sur un ordre jeté à voix basse par leur capitaine, attachèrent les animaux à un petit arbre et s'approchèrent tranquillement de la barrière. Le patron, Morgan et Ab se tenaient tapis à l'ombre de la haie, tout au bout de l'étroit passage. Ils étaient invisibles pour les bushrangers, qui s'attendaient évidemment à ne rencontrer que peu de résistance dans cette maison isolée. Lorsque, s'étant avancé, le chef se retourna pour donner un nouvel ordre à ses camarades, les deux amis reconnurent le profil sévère et la grosse moustache de Fergusson le Noir, le prétendant et conduit de Mademoiselle Carrie Sinclair. Le brave Ab se jura aussitôt intérieurement que celui-là, du moins, ne parviendrait pas vivant jusqu'à la porte. Le bandit s'approcha de la barrière et il s'apprêtait à l'ouvrir lorsqu'une exclamation soudaine rompit le silence et le fit tressaillir. « Arrière !» cria une voix sortant des buissons. « On ne passe pas !» réplique une autre voix. Avec cette douceur et cette tristesse infinie qui caractérisaient celle du patron lorsque ce dernier avait quelque idée diabolique en tête. Le bushranger la reconnut tout de suite. Il se souvenait d'un jour où, dans la salle de billard des armes de Buckhurst, il avait entendu cette même voix doucereuse, où il avait vu ce même jeune homme imperturbable s'adosser à la porte, sortir froidement de sa poche un Derringer et mettre au défi tous les escrocs qui se trouvaient là d'en franchir le seuil. « C'est ce maudit abruti de Durton, » me gréa-t-il, « et son ami à figure pâle. » Les deux associés étaient bien connus à la ronde et tous deux réputés pour leur bravoure. Mais les bushrangers, de leur côté, étaient des risque-tout qui ne reculaient devant rien. Ils s'approchèrent tous en groupe de la barrière. « Livrez-nous passage !» gronda leur chef d'une voix sourde, en s'adressant aux deux jeunes gens. « Vous voyez bien que vous ne pourrez pas sauver la petite. Mieux vaut pour vous vous retirer, sain et sauf, pendant qu'il en est encore temps. » Les associés éclatèrent de rire. « Eh bien, que la peste vous prenne ! En avant !» La barrière s'ouvrit avec violence, et les bandits, déchargeant leurs armes jugées, se ruèrent comme des forcenés vers l'allée du jardin. À l'autre bout de cette allée, parmi les buissons, les deux revolvers claquaient gaillardement dans le silence de la nuit. En raison de l'obscurité, il était cependant difficile de viser avec précision. Le deuxième bandit fit un bond prodigieux en l'air et retomba la face contre le sol, les bras en croix, se tordant sous le clair de lune en des convulsions horribles. Le troisième reçut à la jambe une éraflure qui l'obligea à s'arrêter. Les autres, impressionnés, cessèrent eux aussi d'avancer. Après tout, s'ils avaient entrepris de ravir la jeune fille, ce n'était pas pour leur propre compte. Ils n'avaient pas beaucoup de cœur à la besogne. Sans se préoccuper si ses compagnons le suivaient, le capitaine s'élança impétueusement en hardi coquin qu'il était, mais Abbé Durton lui asséna en plein visage, avec la crosse de son revolver, un coup formidable qui l'envoya rouler au milieu de ses congénères, la mâchoire en sang. « Ne vous en allez pas encore !» dit la voix dans les ténèbres. Mais il n'était pas tenté de partir tout de suite, sachant bien qu'il faudrait encore quelques minutes avant que l'écluse d'Harvey s'ameutât et accourût à la rescousse. Pour peu qu'ils parvinssent à se rendre maîtres des défenseurs, ils auraient encore le temps d'enfoncer la porte. Or, il advint justement ce que Ab appréhendait le plus. Fergusson le Noir connaissait le terrain aussi bien que lui. Il se mit à courir avec rapidité le long de la haie, en faisant signe à ses complices de l'imiter, et tous les 5 la traversèrent à un endroit où elle était interrompue par un semblant de brèche. Les deux amis s'entre-regardèrent. Leurs flancs étaient tournés. Alors ils se dressèrent en hommes qui ont conscience de leur destinée et qui n'ont pas peur de lui faire face. Il y eut, dans la lumière argentée de la lune, une mêlée fantastique de silhouettes noires, et tout à coup, une clameur poussée par des voix bien connues retentit dans la nuit. Les farceurs de l'écluse d'Harvey, qui arrivaient pour jouir de la surprise du naïf Osaï, venaient d'avoir eux-mêmes une surprise d'un bien autre genre. À leur grande joie, les associés virent surgir auprès d'eux tout un groupe de figures amies, Chamus, Struggles, McCoy. Il s'ensuivit un corps à corps terrible, d'où jaillirent des traits de feu, d'où partirent des jurons farouches, d'où s'éleva un nuage de fumée âcre. Et quand tout cela se fut enfin apaisé, il ne restait plus dans le jardin qu'un seul bandit debout, qui fuyait à toutes jambes, pour chercher un refuge derrière la haie saccagée. Aucun cri de triomphe ne partit cependant de la bouche des vainqueurs. Au contraire, un étrange silence pesait sur eux, d'où monta bientôt un murmure attristé. Car là, étendu, en travers de ce seuil pour la défense duquel il avait si vaillamment combattu, gisait le malheureux Ab. Ab, le loyal et le simple de cœur, tout pantelant, la poitrine traversée par une balle. Ses compagnons, avec des mouvements que leur tendresse s'efforçait de rendre moins rudes que d'habitude, le transportèrent à l'intérieur de la villa. Plus d'un parmi eux aurait, je crois, volontiers accepté une blessure comme la sienne, s'ils avaient pu avoir en échange l'amour de cette blanche jeune fille qui, maintenant, se penchait sur son lit ensanglanté et lui murmurait à l'oreille des paroles si douces et si affectueuses. Lorsqu'elle parla, le son de sa voix parut le faire peu à peu sortir de sa torpeur. Il ouvrit ses yeux bleus pleins de rêves et regarda autour de lui, puis les fixa sur le visage de celle qu'il aimait. « Fichu, murmura-t-il, pardon, Carrie, Morib !» Et, avec un pâle sourire aux lèvres, il retomba sur l'oreiller. Néanmoins, Abbé, pour une fois, ne tint pas parole. Sa robuste constitution reprit le dessus et le fit triompher de cette blessure qui aurait pu être fatale pour un homme plus faible que lui. Dut-il son salut à l'air embaumé des pins qui entrait dans sa chambre, après avoir traversé des milliers de milles de forêts, ou bien à la délicieuse petite infirmière qui le soignait si tendrement? Je ne saurais le préciser. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que moins de 2 mois plus tard, nous apprîmes qu'il avait vendu ses actions de la mine de Connemara et qu'il avait quitté pour toujours l'écluse d'Harvey et sa petite cahute sur le haut de la colline. J'ai eu l'avantage, peu de temps après, de lire un extrait d'une lettre écrite par une jeune personne appelée Amelia, à laquelle nous avons déjà fait allusion en passant au cours de notre récit. Nous avons commis une première fois l'indiscrétion de lire une épître féminine. Nous aurons donc moins de scrupules à le faire une seconde. « J'étais demoiselle d'honneur, raconte-t-elle, et Carrie était charmante, soulignée, avec son voile et ses fleurs d'oranger. Quel homme que son mari! Figure-toi qu'il est 2 fois grand comme ton Jack. Et il fallait voir comme il était drôle, comme il rougissait, comme il était troublé, à tel point qu'il en a laissé tomber son livre de prière. Quand on lui a posé la question sacramentelle, il a répondu par un oui si formidable qu'on l'aurait entendu de l'autre bout de George Street. Son garçon d'honneur était délicieux, souligné 2 fois. Si calme, si correct, si homme du monde. Il est trop gentil, à mon avis, pour vivre au milieu de tous ces gens grossiers. Il est fort possible qu'avec le temps, Mademoiselle Amelia ait réussi à décider notre vieil ami, M. Jack Morgan, plus communément appelé le patron, à adopter un genre d'existence plus distingué que celui qu'il avait mené jusqu'alors. Aujourd'hui encore, si vous allez là-bas, on vous montrera près de la courbe un arbre qui porte le nom de gommier de Ferguson. Inutile d'entrer dans des détails. Dans les colonies qui viennent de naître, la justice est plutôt sommaire, et les habitants de l'écluse d'Harvey étaient tous gens sérieux et pratiques, qui n'avaient pas pour habitude de barguigner en affaires. Un public choisi se réunit encore, comme par le passé, dans le fumoir du bar colonial le samedi soir. En ces occasions-là, s'il se trouve parmi la société un hôte de passage ou un étranger à qui l'on veuille faire honneur, la même cérémonie solennelle a toujours lieu. On commence par remplir tous les verres en silence, puis on heurte ses verres sur la table. Et alors, toussant pour annoncer qu'il va prendre la parole, Jim se lève et raconte l'histoire du poisson d'avril et ce qu'il en advint. Chacun s'accorde en général à trouver très original et très artistique la façon dont il s'interrompt soudain à la fin de son récit pour lever son verre plein en s'écriant « Et maintenant, les amis, à la santé de monsieur et madame Osaï, et que le bon Dieu les protège. » Souhait fort justifié d'ailleurs, et auquel l'étranger, pour peu que la prudence le gouverne, ne manquera pas de donner, sans se faire prier, son assentiment le plus cordial. Ici se termine le « Poisson d'avril ».